L'image devait frapper les imaginations. Soudain, l'homme à la robe chamarrée, portant sur ses épaules un manteau de 12 mètres en velours rouge, entièrement doublé d'hermine et brodé d'aigle, de soleil et d'étoiles d'or, soudain, cet homme-là se lève, se saisit d'une énorme couronne aux milliers de brillants, surmontée d'un diamant de 58 carats, et se la pose sur la tête, se sacrant ainsi empereur, exactement comme un certain Napoléon Bonaparte, 173 ans plus tôt. L'image devait frapper les imaginations. Elle devait aussi faire rire. Comment un ancien sous-officier de l'armée française pouvait-il avoir l'audace de singer Napoléon Ier ? Comment un dictateur africain pouvait-il se livrer à un aussi grotesque simulacre ? Bokassa Ier, quelle rigolade ! Tout ce qui restait en nous d'esprit colonialiste et de racisme latent se réveillait. Et voilà maintenant que les rois nègres osent se faire empereurs. Oui, c'est vrai. Ce sacre, cette cérémonie somptueuse, ce trône démesuré en or et en forme d'aigle, cette débauche de richesse pouvait faire rire. Mais c'était oublié un peu vite que la République française avait largement contribué à l'organisation et au financement du sacre, que notre pays était officiellement représenté par l'un de ses ministres, que le directeur de l'information d'Antenne 2 s'était déplacé pour interviewer en direct Bokassa Ier, preuve évidente de l'importance de l'événement. Et puis, si l'on s'en tient à l'actualité récente, l'intronisation d'un empereur africain est-elle moins digne d'intérêt que les obsèques mondiales et télévisuelles d'une princesse morte dans un accident de la route ? D'ailleurs, après avoir enregistré ce nouvel entretien avec M. X, j'ai comme à l'habitude feuilleté les journaux de l'époque et je me suis arrêté sur une photo de Jean Bedel Bokassa parue dans Paris Match. Le nouvel empereur, coiffé d'un bicorne et revêtu d'un costume à épaulettes brodées d'or, est assis sur son trône et toise la foule de ses invités. Et croyez-moi, le curieux sourire qu'il arbore est étrange et donne à réfléchir, car Bokassa Ier, pardonnez-moi l'expression, a l'air de se ficher du monde, comme s'il était le premier à goûter l'impériale plaisanterie qu'il offrait au monde. 2 ans plus tard, on s'en souvient, Bokassa Ier était déposé, à l'initiative de la France et par des militaires français. Nous allons y revenir avec M. X, qui semble connaître par le détail tous les dessous de cette opération à laquelle les services secrets français avaient donné le nom de code Barracuda. Une opération qui, à l'évidence, dissimulait et dissimule encore bien des mystères. Bokassa Ier faisait rire, mais il faisait peut-être aussi peur. C'est pourquoi il fallait se débarrasser de lui au plus vite. Rappelons aussi qu'en 1979, donc 2 ans avant l'élection présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing était la victime d'une violente campagne de presse. Il était en effet accusé d'avoir reçu des diamants de la part de Bokassa, à qui il donnait bien volontiers du « cher parent ». Et on le sait, cette affaire des diamants, révélée par le Canard enchaîné, a pesé lourd dans la défaite du candidat Giscard d'Estaing en 1981. Un mot encore. La République centrafricaine a toujours été un enjeu stratégique pour la France. D'abord, à cause de sa position géographique, cette ancienne colonie, qui s'appelait autrefois Lubangui-Chari, est en effet un trait d'union entre la zone soudanaise et le bassin du Congo, le ventre de l'Afrique. Au nord, il y a le Tchad, perpétuellement instable et surtout perméable à l'influence libyenne et islamique. Et à l'ouest se trouve le riche Gabon, un état pétrolier étroitement lié à la France. Ce n'est donc pas par hasard si notre pays a toujours entretenu une importante garnison militaire en Centrafrique. Mais il faut aussi tenir compte des richesses propres de cette république. 12e producteur mondial de diamants, le Centrafrique possède aussi d'énormes réserves d'uranium, plusieurs milliers de tonnes selon les experts. Enfin, il faut ajouter que la France est, et était bien sûr, le partenaire commercial le plus important du Centrafrique, un partenaire qui était à l'époque particulièrement généreux, puisque l'aide française équivalait à plus de 10% du PNB, le produit national brut centrafricain. Dans un instant, donc, les révélations de M. X sur les mystères de l'affaire Bokassa. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Officiellement, nous avions accordé l'indépendance à nos ex-colonies africaines en 1960. Mmh. Mais vous le savez bien, nous n'avons jamais cessé d'y exercer notre tutelle, quels que soient les gouvernements de la France. D'accord, mais c'est peut-être un tout petit peu moins vrai aujourd'hui, quand même. Oui, mais enfin, d'abord, parce que nous n'avions plus les moyens d'être le gendarme de l'Afrique. Mais en 1979, je vous l'assure, nous étions présents, très présents même. Ouais, où est-ce que vous voulez en venir, là ? Vous vous souvenez de Bokassa Ier ? Ça, c'est difficile de ne pas s'en souvenir. Eh bien, c'est son histoire que je voudrais vous raconter, ou plutôt l'histoire de sa chute. Car d'une certaine façon, elle est exemplaire. Et elle témoigne avec éloquence des méthodes utilisées par nos services lorsqu'ils veulent déstabiliser un gouvernant africain. Attendez, vous étiez encore en activité à cette époque, enfin, en 1979, hein, si je me souviens bien. Oui, je suis vieux, c'est vrai, mais enfin, en 1979, j'étais encore vert, M. Pénaud. Bon, donc, vous apparteniez toujours, comment vous dites, au service. Inutile d'insister. Vous savez bien que je ne peux pas vous répondre. Contentez-vous de savoir que j'ai une connaissance tout à fait détaillée de ce dossier. Attendez, une question quand même. Hein. Pourquoi... ces services-là dont vous parlez, pourquoi ces services secrets s'intéressaient-ils autant à Bokassa ? Écoutez, il est peut-être un peu tôt pour vous répondre. Laissez-moi d'abord vous brosser les grandes lignes de cette affaire, en commençant par vous parler de Bokassa lui-même. Ah bah oui, c'était pas de surprise, c'était un ancien sous-officier de la coloniale. Oui, mais il a quand même fini sa carrière dans l'armée française avec le grade de capitaine. Toutefois, c'est vrai, il est resté, pour l'opinion, toujours condescendante lorsqu'il s'agit d'Africains. L'ancien adjudant devenu maréchal, puis empereur. Et en 79, quel âge avait-il ? Il approchait de la soixantaine. Et malgré son intempérance notoire, c'était encore un solide gaillard. Il le fallait d'ailleurs pour partager la vie de ses nombreuses épouses et élever son abondante progéniture. D'accord. Et d'où venait-il ? D'une famille nombreuse, modeste, bien sûr. Une famille qu'il ne connaîtra pas longtemps puisque ses parents sont morts lorsqu'il était encore gamin. Une parenthèse, je me suis toujours demandé là, ce curieux prénom Jean Bedel. Ça fait partie du folklore colonialiste africain. Il est né le jour de la Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et sur le calendrier, c'était orthographié Saint-Jean-BDL, d'où Bedel. Effectivement. Mais enfin, orphelin, alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a été pris en charge par des pères blancs. Il a reçu une bonne éducation. Il a même failli devenir prêtre. Prêtre ? Oui, absolument. J'en profite d'ailleurs pour tordre le cou à un canard qui faisait de Bokassa une espèce de brute avinée et stupide. C'était faux. Et même si de Gaulle, qui n'hésitait jamais à le recevoir en grande pompe, se plaisait à l'appeler le soudard, je peux vous assurer que Bokassa était très loin d'être sot. Ouais, un peu brutal quand même. Ça, c'est autre chose. Donc Bokassa suit des études avec les missionnaires, mais au lieu de devenir prêtre, il choisit la carrière des armes. Il s'engage dans les fameux tirailleurs sénégalais, et dans cette arme, il va faire une belle guerre, comme on dit, puisqu'il fait partie des premières forces françaises libres et qu'en 1944, il sera l'un des libérateurs de la Provence. Et ensuite ? C'est la coloniale. Bokassa combat en particulier en Indochine. Et au début des années 60, lors de l'indépendance de son pays, le capitaine Bokassa, qui arbore je ne sais combien de décorations, dont la Légion d'honneur, devient presque naturellement le commandant en chef de la nouvelle armée centrafricaine. C'est un homme important, alors. Absolument. Enfin, il faut dire, et ça a dû aider, que le président de la République était son cousin, David Dacko. Ce qui ne l'empêchera pas, quelques années plus tard, d'ailleurs, de débarquer ce cousin et de prendre le pouvoir à sa place. Mmh. Avec l'aide de la France ou pas ? Bien évidemment. Ouais. Figurez-vous que ce Dacko s'était mis en tête de se rapprocher de la Chine populaire. C'était inacceptable pour Paris. Alors, donc Bokassa devient président. Oui, et assez vite, comme ça ne suffit pas, il se fait nommer président à vie. Et bientôt, empereur, Bokassa Ier, comme Napoléon. Et d'ailleurs, c'est lui qui se couronnera et couronnera à son épouse, l'impératrice Catherine. Hmm. Enfin, l'une de ses épouses. Bah, ouais, il ne pouvait quand même pas les couronner toutes. D'accord. Mais, attendez, les choses se gâtent quand ? En 1979. À cause de cette fameuse affaire des diamants. Bon, soyons francs, cette affaire des diamants... des diamants que Bokassa a offert à Valéry Giscard d'Estaing, a joué un rôle non négligeable, c'est vrai, dans la chute de l'empereur. Et pourquoi ? Parce que le président français trouvait Bokassa un peu encombrant. J'imagine qu'il avait peur qu'il fasse des révélations sur cette histoire de diamants, c'est ça ? On peut l'imaginer, en tout cas. On y reviendra. Mais en réalité, il y avait des raisons beaucoup plus sérieuses de se débarrasser de Bokassa. Je vous ai promis, d'ailleurs, de vous révéler la vérité. En tout cas... pour vous, c'est clair, la décision de renverser Bokassa a été prise à Paris. Absolument. Mais vous conviendrez qu'on ne chasse pas le dirigeant d'un pays, fût-il africain, comme ça, d'un coup de baguette magique. Ces affaires-là, ça se prépare, ça se mitonne. Dans les casseroles des services secrets. Et en plein accord avec les plus hautes instances de l'État. Alors, moi je veux bien vous croire, mais... Alors, comment a-t-on procédé dans le cas de Bokassa? En exécutant une très subtile manœuvre de désinformation. Désinformation, je crois que c'était les Soviétiques qui étaient les maîtres de cette technique. Non, sans doute l'étaient-ils, mais sans aucun chauvinisme, je peux vous affirmer que nous n'étions pas trop mauvais non plus. Au reste, la désinformation est vieille comme le monde, puisque c'est un Chinois, Sun Tzu, qui l'a en quelque sorte codifié dans son art de la guerre, écrit 5 siècles avant Jésus-Christ. Mais et que disait ce Sun Tzu? Il écrivait en substance que la plus grande des victoires ne consiste pas à gagner sur le champ de bataille, mais de condamner son ennemi à l'impuissance sans avoir à le combattre. Et c'est exactement la démonstration qui a été faite à l'occasion de la destitution de Bokassa Ier. Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Pour les beaux yeux de Marilou, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Des jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin j'y fis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, des mères encore, des clous. Écume Varec sur la plage de Malibu. D'après les ouvrages que j'ai consultés après avoir enregistré mon interlocuteur, la désinformation, qui est une des formes de la guerre psychologique, passe par l'intoxication. Et les spécialistes répertorient 3 formes d'intoxication. L'intoxication blanche, d'abord, elle consiste à révéler à l'opinion publique des faits réels, mais restés secrets pour des raisons d'État en particulier. Il y a ensuite l'intoxication grise, qui mêle des informations vraies, mais aussi des demi-vérités ou des contre-vérités. Bref, on glisse dans un schéma cohérent et authentique des mensonges. Mensonges qui seront particulièrement difficiles à détecter. Enfin, il y a l'intoxication noire, il s'agit d'une information fausse, totalement inventée, mais si habilement imaginée qu'elle sera longue à démentir. Dans le cas de Bokassa, je peux vous le dire tout de suite sans déflorer la suite du récit de M. X, c'est l'intoxication grise qui a été utilisée, c'est-à-dire la révélation d'informations fausses glissées à l'intérieur d'une trame vraie. Bocassa, nous en avons parlé précédemment, n'était pas un tendre et ne faisait pas bon s'opposer à lui. Oui, mais cette brutalité-là, elle est jusqu'au... Bon, soyons clairs, jusqu'au meurtre. C'est prouvé ? Oui, et je ne vous citerai qu'un cas, celui d'un opposant, le colonel Banza, qui aurait ourdi un complot contre Bocassa. Non seulement il a été arrêté et promptement fusillé, mais bon nombre de ses parents ont été aussi arrêtés et ne sont jamais réapparus. Enfin bon, l'Afrique a connu malheureusement pire, ouais. Et encore très récemment. Ouais. Mais il y a eu, si je me souviens bien, il y a eu l'affaire des lycéens, du massacre des lycéens. J'y viens. Donc c'est vrai, Bocassa est un tyran qui ne s'embarrasse guère des lois et qui, à l'occasion, peut mettre lui-même la main à la pâte, si j'ose dire. Donc on va utiliser cette vérité pour échafauder une opération de désinformation. La manœuvre est simple, on ne prête qu'aux riches. Bocassa en a tué ou fait tuer 10. Pourquoi n'en ferait-il pas tuer 100 ou 1000, vous comprenez ? Oui, je veux bien. Non. Dans ces histoires-là, encore faut-il un début de preuve. Vous avez raison. Alors voilà comment on va s'y prendre. À la fin de 1978, le Premier ministre Henri Maïdou prend une curieuse décision. Il impose aux écoliers et étudiants centrafricains le port d'un uniforme. Et vous l'imaginez bien, aussitôt, c'est le tollé. Et pourquoi ? Essentiellement pour des raisons économiques. La plupart des parents sont incapables d'assumer la dépense. Et la dépense de l'uniforme. Bien sûr. De l'achat de l'uniforme. L'achat de l'uniforme. Et alors, à ce moment-là, ils se mettent à protester. Les lycéens descendent dans la rue, les lycéens, mais aussi, curieusement, de jeunes adultes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce curieusement ? Bah oui, des types qui ne sont pas venus par hasard et qui sont là pour casser. À noter que pendant que se déroulent ces premières manifestations très violentes, le Premier ministre se trouve à Paris, à l'invitation du président de la République française. J'ai l'impression, là aussi, que... Comment dire ? Vous ne croyez pas tout à fait au hasard. Vous avez deviné. 3 mois plus tard, comme le gouvernement n'est toujours pas revenu sur sa décision, les manifestations recommencent. Très vite, elles dégénèrent en quasi-émeute. Et les premières victimes sont des policiers et des soldats. D'habitude, ce sont plutôt les manifestants qui sont touchés. Oui, mais les policiers et les soldats centrafricains n'étaient pas armés. Ça, c'était une idée de Bocassa. Il avait tellement peu confiance dans ses troupes qu'il préférait les voir sans armes. Et quand on sait combien de chefs d'État africains ont été destitués par leurs militaires, on le comprend sans peine. Et lui-même était bien placé pour le savoir. Hein. Très juste. Enfin, devant l'ampleur de la révolte, Bocassa a bien été obligé d'autoriser le gouvernement à distribuer des armes. Et alors, à partir de ce moment-là, des manifestants sont tombés à leur tour. Exactement. Et d'autres ont été arrêtés, emprisonnés. Certains de très jeunes gens ont même été fusillés dans la prison où on les avait enfermés. Et vite, très vite, on a parlé de bains de sang. Un véritable massacre, plusieurs centaines de victimes, et pour la plupart des gosses, des adolescents. Vous commencez à y voir clair ? Je crois, oui, mais... Donc d'abord, on suscite des manifestations, on encourage la répression, et on exagère considérablement le nombre de victimes. C'est ça. Je veux bien l'admettre, mais même si le nombre des victimes a été exagéré, il y a quand même eu des morts. Et la responsabilité de Bocassa a donc été engagée. En tant que chef de l'État, bien sûr, mais Bocassa ne se trouvait pas sur place à Bangui. Et ce n'est pas lui qui a commandé ses fusillades et ses exactions. Et vous en êtes vraiment sûr ? Tout à fait. Bocassa, au moment de ces événements tragiques, résidait dans son palais à 80 km de Bangui. Et le téléphone, quand même. Bien sûr, mais je vous assure qu'il n'a pas donné d'ordre. La meilleure preuve, c'est qu'il a ordonné une enquête et qu'à la suite de cette enquête, plusieurs responsables, dont certains ministres, ont été limogés. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Bocassa, aux yeux du monde entier, était devenu un massacreur d'enfants, et c'est ça qui comptait. Mmh. Et je vous trouve quand même bizarrement indulgent, enfin pour un homme qui quand même n'avait pas les mains très propres. Je ne suis pas indulgent, je dis la vérité, et je suis le premier à reconnaître que Bocassa n'était pas un saint. Mais tenez, s'il me faut encore vous convaincre, reportez-vous au procès de Bocassa. Un procès qui a commencé en 1986. Ça, je me souviens. Hein. Une première fois, l'empereur déchu avait été condamné à mort par contumace, et les juges de son deuxième procès n'avaient donc aucune raison d'être cléments. Eh bien, l'accusation n'a pas réussi à prouver sa culpabilité dans l'affaire des lycéens. Il a simplement été accusé de complicité. Donc, si je vous comprends bien, Bocassa a été victime d'une manipulation. Tout à fait. Et c'était... nos services de renseignement qui se trouvaient derrière cette machination ? Incontestablement, avec la complicité de hauts responsables centrafricains et d'opposants. Parce qu'il fallait à tout prix faire de Bocassa un monstre, et donc justifier son éviction du pouvoir. D'ailleurs, la désinformation ne s'arrêtera pas là. Quand Bocassa aura été renversé, on prétendra qu'on a trouvé dans les congélateurs du palais impérial de la chair humaine. Effectivement, je me souviens, on a alors accusé Bokassa de cannibalisme. Hein. Accusation qui sera rejetée par les juges centrafricains lors du procès de l'ex-empereur. Mais je vous le jure, rien n'était trop gros pour salir Bokassa. Quand même, vous dites, on prétendra qu'on a trouvé de la chair humaine. Je trouve qu'aujourd'hui, vous abusez un peu beaucoup du « on ». Hein, qui se cache derrière ce « on » ? Toujours les mêmes, les hommes du SDEC. N'oubliez pas que ce sont eux qui ont pénétré les premiers dans le palais de Bokassa. Et ce sont eux qui ont répandu la rumeur. Parce que l'opération Barracuda, visant à éliminer Bokassa, a été entièrement téléguidée depuis Paris. Dans un extraordinaire article publié dans Libération en octobre 1979, sous la signature de Serge July, un certain Jacques Duchemin, qui a été ministre de Bokassa pendant les derniers mois de son règne, fait un portrait hallucinant de Bokassa. Je cite. Le personnage de Bokassa a ses chances, selon moi, de rester dans l'histoire au même titre que Néron, Caligula ou Gilles de Rais. Il efface la plupart de ses collègues, parce que dans le domaine, sinon du crime, du moins de la réputation du crime, il a battu des records. Plus loin, ce même Duchemin ajoute « Videla, Pinochet sont des nains à côté de lui et Amin Dada, un dictateur grotesque, vulgaire et subalterne. » Dernière citation de ce Duchemin. Bokassa n'était pas un anthropophage habituel. Il est exact qu'il gardait de la chair humaine dans ses frigos, par politesse, par hospitalité pour certains de ses collègues chefs d'État africains qui continuent à manger de la chair humaine. Charmant. Il convient quand même de préciser que Jacques Duchemin, aventurier professionnel et comploteur né, a souvent été tenu pour un honorable correspondant du SDEC. Ce qui, évidemment, accréditerait la thèse de M. X sur la désinformation dont aurait été victime Bokassa. En septembre 1979, Bokassa fait une erreur fatale. Il se rend en Libye pour rencontrer le colonel Kadhafi. Et quel rapport entretenait-il avec le dirigeant libyen ? Bokassa, qui se sentait progressivement lâché par la France, entendait se rapprocher de Kadhafi. C'est vrai ou une sorte de chantage ? Sans doute, oui. Enfin, si vous ne m'aidez pas, je vais voir ailleurs. Ouais. Donc il se rend donc chez Kadhafi officiellement pour lui demander une petite contribution financière. Vous avez dit officiellement, hein ? Il y avait donc autre chose derrière. Oui, quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est la clé de toute cette affaire. Mais une dernière fois, je vous demande un petit peu de patience. Bokassa est donc à Tripoli. La nuit qui suit son départ, deux transals du SDEC décollent de Villa Coublay. L'opération Barracuda commence. Et qui se trouve dans ces avions, ces transals ? Des militaires, sans grade ni insigne, et un Africain, David Dacou. Mais celui-là, c'est le cousin de Bokassa, celui qui l'a chassé du pouvoir. Lui-même, c'est le successeur choisi par la France. Et ces militaires sans insigne ? Des agents du SDEC et des gars du 1er RPIMA. Un régiment parachutiste d'infanterie de marine qui sert traditionnellement d'auxiliaire au service d'action du SDEC. Les deux transals, comme vous l'imaginez, se dirigent vers Bangui. Et là, sur place, tout se passe très vite. Les principaux bâtiments officiels et la radio sont occupés. Ouais. Sans incident. Sans incident, oui. Et David Dacou, nouveau président installé par la France, déclare à la radio que Bokassa est destitué. Le coup d'État est une réussite parfaite, mais là n'est peut-être pas l'essentiel. Ouais. Que voulez-vous dire ? L'important, c'était de s'emparer des documents détenus par Bokassa. Quel genre de documents ? Des papiers qui, s'ils avaient été rendus publics, auraient pu se révéler embarrassants pour la France et son président. C'est pourquoi l'équipe du SDEC a procédé à un déménagement en bon ordre des deux résidences de Bokassa. Tout a été emporté, y compris une fortune en diamants et en devises, un véritable trésor. Ouais, surprenant, mais que sont devenus documents et diamants ? Les documents ont été acheminés rapidement en France et mis au frais par les hommes du SDEC quant au trésor, mystère. Et vous n'avez pas une idée ? Non. Mais croyez-moi, dans ces cas-là, la question de l'utilisation des fonds clandestins ne pose aucune difficulté. Peut-être, oui. Et Bokassa, bon, il est venu en France tout de suite, si ma mémoire est bonne. C'est juste, c'est juste. Mais il a dédaigné l'hospitalité que lui offrait Kadhafi et d'une façon assez insensée. Il a choisi la France. Pourquoi ? Bah, parce qu'il avait en principe la double nationalité. Attendez, rappelez-moi, comment a-t-il été reçu ? Dès que son avion a été signalé, des Mirages l'ont escorté et l'ont obligé à se poser sur l'aérodrome militaire d'Evreux. Et pendant 3 jours, l'avion a été bloqué. Et Bokassa a été en quelque sorte mis au secret dans son appareil. Au secret, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on lui a interdit de communiquer avec qui que ce soit. Tenez, je peux même vous révéler qu'à bord d'un petit avion de tourisme, deux de vos confrères, que je connais bien, ont tenté de joindre sa caravelle par radio. Et ça a failli mal tourner et ils ont rebroussé chemin en hâte. Et bon, peut-être, c'est une anecdote, hein, mais au bout de ces 3 jours... On a envoyé Bokassa en Côte d'Ivoire où il a été en quelque sorte assigné à résidence surveillée et gardé par des hommes du SDEC, ce qui, entre parenthèses, en dit long sur l'indépendance des pays africains. Mais d'un point de vue, comment dirais-je, d'un point de vue purement technique, le renversement de Bokassa est un succès. Hein ? Oui, presque. Pourquoi presque ? Parce que dans les opérations apparemment les mieux réussies se glisse parfois un méchant grain de sable. Et dans l'affaire qui nous occupe, ce grain de sable s'appelle Roger Delpay. Oui, ça, je me souviens très bien, mais rafraîchissez la mémoire de nos auditeurs. Et d'abord, d'où vient-il ce Delpay ? Son parcours n'est pas très simple. Disons qu'à l'origine, c'est un baroudeur, un type qui a combattu en Indochine. Comme Bokassa. Comme Bokassa, oui. Et ça va jouer un grand rôle dans cette histoire. Après l'Indochine, Delpay publie un livre à succès sur cette guerre et fait même de la politique. De quel côté ? Chez les gaullistes. Mais il se fâche avec eux au moment de la guerre d'Algérie. Ça veut dire qu'il est Algérie-Française ? Oui. Et à partir de ce moment-là, ses amitiés politiques vont plutôt le porter vers l'extrême droite. Enfin, passons. En 1979, l'ancien combattant apprend les massacres d'enfants à Bangui. Son sang ne fait qu'un tour. Il écrit à Bokassa. Ah, pour le réprimander ? Pour lui demander des comptes au nom de leur ex-fraternité d'armes. Ce qui est extraordinaire, c'est que Bokassa lui répond et lui demande de venir à Bangui. Pour quelle raison ? Pour s'expliquer, pour se justifier Et Delpé répond aussitôt à l'invitation de Bokassa. Et alors, vous savez comment ça se passe entre les deux anciens combattants d'Indochine ? Oui, très bien. Si bien même que Delpé, convaincu par les protestations d'innocence de Bokassa, entreprend une enquête sur les massacres de Bangui. Une enquête. Et cette enquête, est l'innocent de Bokassa ? D'après Delpé, oui. En tout cas, une enquête qui lui permet d'établir que Bokassa est victime d'une manipulation et que plusieurs de ses ministres en sont les complices. Et il prévient Bokassa, enfin il l'avertit de Oui, ce mais il est trop tard. À Paris, on a déjà décidé de mettre en branle l'opération Barracuda. Et que fait Delpé après la chute de Bokassa ? Eh bien, il est décidé à ne pas rester inerte et à innocenter son camarade de combat en démontant la manipulation dont il a été victime. Il devient, si vous voulez, le défenseur de Bokassa, son homme de confiance. Et il s'agit de beaucoup. Il réussit même à rencontrer l'ancien empereur en Côte d'Ivoire. Attendez, vous m'avez dit que Bokassa était surveillé par des agents du SDEC. Oui, mais Delpé a réussi néanmoins à passer à travers les mailles du filet. Et ce qui est le plus important, Bokassa a pu lui remettre des documents. Encore des documents ? Des documents que Bokassa avait sans doute emmenés avec lui en Libye et qui avaient donc échappé aux sbires du SDEC. Et une fois en possession de ces documents, Delpé a commencé à démarcher les éditeurs. Afin d'écrire un livre défendant son ami Bokassa. Exactement. Mais ces démarches ne sont pas passées inaperçues. Et en haut lieu, on a décidé d'intervenir. En haut lieu, c'est entrée haut lieu, au sommet de l'État. Évidemment, et ça s'est passé très vite. Il faut d'ailleurs dire que Delpé a commis à peu près la même erreur que son grand ami Bokassa. L'erreur de Bokassa, c'était la Libye. Oui, hein. Il s'est rendu à l'ambassade de Libye à Paris. Et pourquoi faire ? Je vous ferai la même réponse que tout à l'heure, officiellement pour demander de l'argent. De l'argent pour assurer la défense de Bokassa. À sa sortie de l'ambassade, la DST lui met la main au collet et Delpé est illico accusé d'espionnage au profit de la Libye. Est-ce que les éléments pouvaient étayer cette accusation ? Aucun. La meilleure preuve, c'est que Delpé finira par bénéficier d'une ordonnance de non-lieu après l'élection de François Mitterrand. Et donc après la défaite de Giscard d'Estaing. Oui, mais Delpé aura quand même passé presque 7 mois en prison. Et à l'époque, en parlant de son arrestation, de nombreux journaux évoqueront les lettres de cachet de l'ancien régime. Alors, revenons à ces documents. Vous pouvez peut-être maintenant me dire la vérité. Beaucoup concernaient le président de la République. Les diamants ? Le diamant, oui, et aussi les territoires de chasse dont raffolaient Giscard d'Estaing et sa famille. Et encore des affaires beaucoup plus privées dont je me garderai bien de parler. Delpé, après sa libération, a publié tout ça. Inutile d'y revenir, mais la réalité, la vraie réalité, est restée soigneusement dissimulée. Alors, allez-y, quelle est-elle ? Une fois de plus, c'est l'uranium. Expliquez. Eh bien, la République centrafricaine disposait de ressources importantes en uranium. Bokassa voulait exploiter ses richesses, mais il lui fallait l'aide de la France. Or, curieusement, la France rechignait. Pourquoi ? Parce que, prétendaient les experts, cette exploitation n'était pas rentable. En fait, je pense que nous considérions ces ressources comme une réserve à exploiter plus tard. Mais Bokassa, lui, ne l'entendait pas de cette oreille et excédé par les atermoiements de la France, mais il est allé chercher ailleurs. En Libye. En Libye, mais, oui, mais aussi en Irak. Et le contrat était prêt. Il allait être signé. La France ne pouvait l'accepter. Bokassa était donc condamné. Donc, ce n'est pas à cause de l'affaire des diamants. Enfin, pas seulement, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Mais entre nous, que pèsent quelques dizaines de diamants à côté des tonnes d'uranium que Bokassa s'apprêtait à livrer à 2 pays arabes soupçonnés d'encourager le terrorisme international ? En fouillant dans la presse de l'époque, je n'ai trouvé une semi-confirmation de cette thèse que dans une interview de Bokassa publiée par le journal Jeune Afrique. Pour le reste, je vous signale que Pascal Krop, dans son ouvrage sur les secrets de l'espionnage français, donne une relation relativement précise de l'opération Barracuda et de la destitution de Bokassa. L'ex-empereur, sans doute le savez-vous, est mort en 1996. Après être resté plusieurs années en Côte d'Ivoire, il était revenu en France dans un château qu'il possédait. Puis en 1986, déjouant la surveillance dont il était toujours l'objet, il avait réussi à fausser compagnie à ses gardiens et il était revenu chez lui, en Centrafrique. Condamné à la réclusion perpétuelle, il avait ensuite bénéficié d'une remise de peine. Il a fini tranquillement ses jours dans un mysticisme exacerbé au milieu des siens. À samedi prochain sur France Inter pour un nouvel entretien avec Monsieur X.